Un soir d'été, debout sur le quai, la tête bien haute vers les étoiles filantes. Je pense encore à tout ce qui est arrivé quand notre petit monde a basculé. Les pieds dans l'eau, à regarder tout haut, l'étoile qui viendra me consoler. Toute la nuit, à me demander si quelqu'un est venu l'ensorceler. C'est comme si la terre arrêtait de tourner. La tête sur l'oreiller, sur sa destinée. C'est comme si la terre arrêtait de tourner. Comme si quelqu'un était venu l'ensorceler. Les bras soulevés encore vers le ciel, à me demander si ça va continuer. Si celle que j'aime va ressusciter et reprendre sa vie comme elle a commencé. Quand tu vois ta femme se faire soigner dans ses chambres aux couleurs fanées, c'est comme si la terre arrêtait de tourner. La tête sur l'oreiller, sur sa destinée. Un soir d'été, debout sur le quai, la tête bien haute vers les étoiles filantes. Je pense encore à tout ce qui est arrivé quand notre petit monde a basculé. Quand notre petit monde a basculé. A basculé.